Scusi. J'assume tout en mes fautes, pas besoin de prouver. Les femmes c'est comme les potes, un de perdu, 10 de retrouvé. Moi chérie je l'ai trouvé, elle est pas comme les autres. Elle est pas comme les autres, je suis pas parfait. J'ai morflé, alors maintenant je veux m'endormir dans les bras de Morphée. Laisse-la tomber, elle t'oubliera pour un mec. Donne des ailes à un serpent, il se prendra pour un nègre. Dans mon cerveau ça bug, on dirait qu'il n'y a pas la fibre. Quand je suis en voiture, j'aime pas quand ça me tape à la vitre. Tu mérites des baffes en douille, tu traînes dans la cité au lieu de porter des coups à ta mère, tu portes des couilles. Hi, je suis pas à Dubaï, l'esprit elle vient quand même. La tête pleine de bye bye bye, je mitraille. J'écoute Aïcha, je fume la peu hachée. Je prends du recul quand on vient faire des poussettes à chaud. Sirop de pêche, que sur cash, elle est toute fraîche, elle sert à zélade. Je veux ma quiche, j'avais rien dans la poche. Maintenant ma biche, je fume la peu dans la loge. Sirop de pêche, que sur cash, elle est toute fraîche, elle sert à zélade. Je veux ma quiche, j'avais rien dans la poche. Maintenant ma biche, je fume la peu dans la loge. L'histoire du rap, c'est que je fais la marquer. Avec mon style, mon flow, je me suis démarqué. Et au vélodrome, ils savent pas comment je vais débarquer. Un T-Max dans les airs, elles passeront les heures. Oh, tu parles de moi, toi, viens ici. Oh, tu faisais le fou, toi, viens ici. Heureusement que j'ai percé, que j'ai rien lâché. Sinon, personne ici te sollicite. Rond-point, y'a la police, y'a faut qu'on staille chaud. Parce que c'est belle ici, ouais. Ça fait voiture de luxe et maison bellissima. Et vérifie, dans le rap, je terrifie, ouais. En équipe où je marche seul, on me niquera pas. Ma peau par soleil, je raconte la vie de la zone. Depuis petit, j'ai la dalle, disons que j'ai ma nana. Dans le game, ça fait des années, je suis toujours là là. Sirop de pêche, que sur cash, elle est toute fraîche, elle sert à zélade. Je veux ma quiche, j'avais rien dans la poche. Maintenant ma biche, fume la boue dans la loge. Sirop de pêche, que sur cash, elle est toute fraîche, elle sert à zélade. Je veux ma quiche, j'avais rien dans la poche. Maintenant ma biche, fume la boue dans la loge. Ça veut voiture de luxe, maison bellissima. Et victima, titima. Et vérifie, dans le rap je terrifie, ouais. Ouais. Dans mon cerveau ça bug, on dirait qu'à pas la fibre. Quand je suis en voiture, j'aime pas que ça me tape à la vitre.